j'arrive des quartiers nord, des quartiers morts, où ça refourgue la mort, la grisaille des bâtiments, la haine comme sentiment. On vit en attendant le châtiment, cette république nous ment, on attend le vrai jugement. Insociable, on agit inconsciemment, la pauvreté nous apprend. La folie est une futilité, si on a une occasion de prier, faut pas la rater. Mais si on veut monter, à part le tout puissant, personne pourra nous arrêter. En pleine puissance, personne pourra nous stopper. Mon ambition, je vais toper, je bossais pour pouvoir carburer. J'ai grandi dans la gêne, mais c'est le juré. Mon avenir est commandé par mon passé, tout ce que je fais est prémédité. La Castellane applaudit dans la cité des hommes, un nouveau bonhomme est né. Vendetta, corrosif, c'est comme ça qu'on m'a surnommé rap. Autonome, dédié à mes terres qui travaillent dans l'ombre. À nos familles du ghetto, en surnom. Souffrir pour réussir, pourquoi ne pas le faire ensemble. Comment soldier quand l'un de mes frères meurt. L'assassin est souvent un semblable. Rap autonome, l'autonomie alimente mon rap poto. C'est vendetta, corrosif pour Kémano. Du niveau 60 pistons, y'a pas photo. Représente les commandes, soldier ghetto. Quartier Jean, Bissio, Vendetta, Corrosif, Auto Kémano, jeune rappeur autonome. Soldier ghetto, soldier ghetto, soldier ghetto.